Et rapidement, même si on n'est pas nombreux aujourd'hui, on va quand même faire une prédication en bonne et due forme. Tout le monde m'entend bien? Oui. Les vieilles oreilles aussi? Oui. Ce matin, on va lire Exode 9. On va continuer dans la filée des livres de l'Exode, dans notre récit des plaies. On a vu ça avec Jean-Claude la semaine dernière. On va revenir sur certaines de ses idées, certaines de ses propos. Je vous invite tout de suite à tourner d'ailleurs dans Exode 9 pour gagner du temps. On va le lire dans quelques instants. Donc, il s'agit du récit des 5e, 6e et 7e plaies qu'on va lire ce matin. Les 5e, 6e et 7e qui vont encore une fois frapper l'Égypte et encore une fois pour les mêmes raisons, à cause du refus de Pharaon de laisser aller le peuple, les enfants d'Israël, les laisser sortir du pays d'Égypte. Comme l'Éternel le lui avait ordonné pourtant. Donc, désobéissance du Pharaon. Donc, Exode 9, on va commencer. Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, et sur les brebis, il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. » Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Si j'avais étendu ma main et que j'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. L'Éternel fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva les mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Donc, le texte qu'on vient de lire nous montre, bien sûr, un personnage de premier plan. Non, c'est pas Moïse, non, c'est pas Aaron, c'est le Pharaon. Pharaon d'Égypte qui résiste à l'appel de la vérité, qui va continuer de le faire pour son plus grand malheur, hein, disons-le, ainsi que celui de son peuple. En fait, le cas de Pharaon, il est assez édifiant, pas parce que c'est un bon exemple, mais plutôt en tant que contre-exemple. Un contre-exemple aux conséquences funestes. Parce qu'il nous montre, le Pharaon, que devant la parole de Dieu, l'homme est exhorté à l'humilité et à l'obéissance. C'est tout le contraire de Pharaon. Pharaon, c'est un homme orgueilleux, et l'orgueilleux est faible devant Dieu. Tandis que l'endurcissement du faible mène à sa destruction. Vous reconnaissez ce tableau-là, je l'ai modifié. C'est celui que Michel a monté, que Jean-Claude a transformé et que j'ai transformé à mon tour. C'est petit, c'est pas important. Juste que vous voyez un peu la trame. Souvenez-vous, les plaies sont regroupées trois par trois. Elles sont dans l'ordre ici. Le premier, le zéro, ce n'est pas une plaie, bien sûr. C'est le premier prodige qui est opéré par Aaron et Moïse, les serpents, les bâtons, la verge changée en serpent. Et ça se termine par la mort des nouveau-nés en dixième position. Il y a toutes sortes de catégories. Si vous voulez le voir plus en détail, je vous en remettrai une copie. Mais bien sûr, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y a toute une symbolique. Il y a énormément de symbolique croisée dans le récit des plaies d'Égypte. Non seulement ce sont les dieux de l'Égypte qui sont frappés d'impuissance, mais aussi ces dieux qui se manifestent sa puissance afin que son nom soit publié sur toute la terre. Mais aussi, c'est la défaite du pharaon en tant qu'être orgueilleux qu'on voit derrière tout ça. Il y a toute la symbolique aussi à travers la Pâque de l'agneau qui ôte le péché du monde, qui on va voir qui est annoncé en Jésus-Christ. Et ça, ça se produit au moment même où les nouveaux-nés sont sacrifiés, sont mis à mort. Je ne vais pas embarquer, je ne vais pas mordre dans les prochaines semaines, on va voir ça en détail. On va se concentrer aujourd'hui sur le 5, 6, 7, et si vous avez été attentifs durant les dernières semaines, on a déjà vu celles qui ont précédé. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus non plus. Commencez par faire quelques commentaires sur le texte. J'aime toujours circonscrire un peu le contexte dans lequel on se trouve. Alors, de quel pharaon s'agit-il ici? L'Égypte, c'est l'Égypte ancienne. C'est 3000 ans d'histoire, avant Jésus-Christ. Les repères bibliques concernant l'Égypte sont très vagues. Les données historiques ne se recoupent pas avec les données bibliques. L'Exode n'en est fait mention que dans la Bible, on n'en a aucune trace ailleurs. Donc, on est sûr de rien. Cependant, on interprète la Bible avec la Bible, on fait des analogies avec la Bible. Et 1 Roi 6:1 nous révèle que ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Donc, selon toute vraisemblance, le récit de l'Exode se situe approximativement au 15e siècle avant Jésus-Christ, donc dans les années 1400 avant Jésus-Christ. Donc, on vient de lire les récits des 5e, 6e et 7e plaies. Une plaie, c'est un fléau, c'est un châtiment. C'est pas juste un signe miraculeux, c'est une vengeance de Dieu pour exercer un jugement. Et dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, c'est une symbolique que je n'ai pas fait mention, mais les plaies d'Égypte font directement référence. L'Apocalypse fait directement référence aux plaies d'Égypte. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, il est question des 7 derniers fléaux ou jugements. Ces jugements-là qui vont frapper les nations avant le retour de Christ, au moment même où un homme orgueilleux va s'attaquer au peuple de Dieu, qui est l'Antéchrist. Le pharaon du récit de l'Exode, c'est un type de l'Antéchrist, en passant. Donc, les fléaux de l'Apocalypse, c'est ça qui est important de se souvenir, ça rappelle les plaies d'Égypte. Donc, du temps de Moïse et de l'Exode, ce sont 10 plaies qui vont fondre sur les Égyptiens. Ce sont des jugements qui sont annoncés dès avant les plaies, dès la Genèse, dès le temps d'Abraham, Dieu avait annoncé qu'il punirait la nation qui opprimerait le peuple d'Israël. Genèse 15, 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. » Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, déjà là, un jugement est annoncé sur les Égyptiens. Un peu plus tard dans le temps, lorsque Dieu va se manifester, l'Éternel va se manifester à Moïse dans Exode 3, passage qu'on a étudié ensemble il n'y a pas si longtemps, Dieu, encore une fois, va annoncer la résistance à venir de la part du Pharaon. Il va annoncer... l'obstination de Pharaon à laisser sortir le peuple d'Égypte. Hein, Exode 3, 19, 20. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc, pour Moïse, aucune surprise, et évidemment pour Dieu non plus, aucune surprise. Donc, dès lors, en servant de Moïse et d'Aaron comme intermédiaires, hein, souvenez-vous, je ferai de vous des dieux pour Pharaon. Donc, Dieu accable l'Égypte avec 10 fléaux successifs. Toujours à cause de l'endurcissement du Pharaon. Toujours à cause du même péché, le refus de laisser aller le peuple. Bon, on oublie tous les péchés collatéraux, là, le fait que Pharaon ne respecte pas. Se dédie sans cesse, il ment, il refuse de reconnaître Dieu comme étant l'Éternel, bref. Mais son principal péché ici, c'est le refus de laisser sortir le peuple. Et la logique des événements est assez simple. Hein? Chaque fléau succède au fléau précédent, jusqu'à ce que Pharaon cède, selon ce que Dieu a annoncé. Hein? C'est la main puissante de Dieu qui va le faire céder. Donc, les plaies peuvent être regroupées en 3 cycles. Qui comprennent chacun 3 plaies, avec une 10e plaie encore plus terrible que les autres, durant laquelle Dieu va agir directement, sans préavis, et sans passer par l'intermédiaire de Moïse. Donc, les 3 premières plaies, la 1, 2, 3, hein, le nid, l'encens, les grenouilles, les moustiques, ce sont des plaies répugnantes, on les appelle comme ça, dégoûtantes. Les 3 suivantes, la 4e, la 5e, la 6e, elles sont douloureuses. Ce sont des mouches venimeuses, la mort du bétail, qui attaque les biens, et les ulcères. Puis les 3 suivantes, la 7e, la 8e, la 9e, ce sont des catastrophes naturelles. La grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et dans tout ce déroulement-là, on remarque une amplification de la gravité des fléaux. Entre la première et la dernière plaie, les premières sont incommodantes, mais elles ne sont pas létales. Les dernières, elles sont létales. Donc, les premières plaies vont toucher d'abord la nature inanimée. Hein? C'est le cas de la première plaie, le Nil. Puis elles vont mettre en scène les petits animaux qui sont plus ou moins nuisibles. C'est le cas de la deuxième, la troisième, la quatrième, mais dont les ravages ne sont pas mortels. Ensuite, le bétail et les hommes vont être atteints. Et ensuite, la grêle va faire les premiers morts. Et il va détruire aussi, encore plus grave, une partie des ressources naturelles. Les sauterelles vont anéantir les récoltes. Pour un pays de culture comme l'Égypte, c'est carrément mortel, ça. Et ensuite, il y a les ténèbres qui plongent le pays un peu comme dans une sorte de chaos originel et qui montrent totalement l'impuissance des dieux, en particulier le dieu Ra, le dieu soleil, qui est censé être lui-même, est censé personnifier l'astre solaire. Et la dixième plaie, elle est terrible. Elle est terrible aujourd'hui, mais dans les sociétés d'Ancien Régime, les sociétés traditionnelles, la mort des premiers-nés, c'est la pire des punitions. Quand on s'attaque à la descendance, c'est comme si on s'attaquait à tout ce qu'on représente. On va revenir à nos moutons, la cinquième des plaies. Et là, ici, je vais faire un petit zoom sur... Je les ai mises en rouge, là, la cinquième, la sixième, la septième. Donc, la peste, c'est la cinquième des plaies. Donc, elle n'atteint que les troupeaux des Égyptiens. Les enfants d'Israël sont préservés. La sixième va s'attaquer au corps des humains, les ulcères. Auparavant, les Égyptiens avaient fait souffrir les enfants d'Israël avec les fours à briques, avec la chaleur des fours à briques. Maintenant, ce sont eux-mêmes qui vont être torturés par la chaleur de la poussière. Quant à la septième, bien, elle va le frapper tout le monde parmi les Égyptiens. Hommes, animaux, mais aussi culture. Tout ce qui n'est pas abrité de la grêle, finalement, va être touché. On va parler brièvement du bétail. Moi, j'ai vu une incohérence, mais en fait, ce n'est qu'une incohérence de surface. La cinquième est censée avoir anéanti tout le bétail, mais voilà que le bétail réapparaît durant la septième avec la grêle. D'où est-ce qu'il sort, ce bétail-là? On sait que les plaies ne sont probablement pas déroulées sur des dizaines d'années. On parle souvent d'un intervalle de quelques mois entre chacune des plaies. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la cinquième et la septième plaie, entre la peste et la grêle? Parce que le verset 6, nous dit que tous les troupeaux des Égyptiens ont péri. Pourtant, le verset 19 indique qu'il y avait encore du bétail en Égypte au moment de la septième plaie. Rappelons-nous, seuls les enfants d'Israël sont des éleveurs. Les Égyptiens, ce sont des cultivateurs. Donc, les troupeaux des Égyptiens ne devaient pas être très, très, très prolifiques, très nombreux déjà à la base. Ça n'empêche pas qu'il y avait du bétail en Égypte quand même. En fait, le verset 6, il ne faut pas le prendre au sens absolu du terme. Il y a eu une mortalité très grande parmi les troupeaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous morts. Donc, il faut le comprendre dans un sens général. Il est possible aussi que d'autres animaux aient été introduits en Égypte entre-temps, mais c'est là que ça suppose une période de temps assez longue entre les deux fléaux. Il est possible aussi que la peste qui frappe le bétail n'ait touché que certains troupeaux bien ciblés, comme les troupeaux du pharaon. Le pharaon personnifie l'Égypte. Possible que ça ait été ça aussi. Bref, on est juste dans les spéculations ici. Il ne faut pas trop s'accrocher avec les fleurs du tapis ici. Un autre point intéressant, au verset 31 et 32, comme une espèce d'aparté bizarre dans le texte où il est question du lin, du froment, de l'épeautre. En fait, c'est une parenthèse dans le récit qui fixe la date du fléau vers le milieu du mois de janvier. Donc ça, c'est une indication de temps. C'est intéressant également de voir que les deux fléaux, que les trois fléaux ici vont toucher tout le monde, parmi les Égyptiens, grands et petits, le peuple jusqu'au pharaon lui-même. Tandis que les enfants d'Israël, par une intervention miraculeuse, ne sont pas touchés. Expliquez-moi comment on fait pour arrêter la grêle sur une frontière bien délimitée entre le pays de Goshen et le reste. On en parlera aux météorologues. Donc, tout ça, ça montre quoi? Ça montre que Dieu a un pouvoir d'élection. Il choisit de faire du bien à qui il veut. Et il choisit de juger qui il veut. Dieu est souverain. Dieu a un pouvoir d'élection. Il a choisi le peuple d'Israël. C'est son choix. On n'a pas à discuter. Qu'est-ce que ça manifeste aussi, ces plaies-là qu'on étudie ce matin, ainsi que toutes les autres? Bien, on le voit un peu dans le tableau que Michel a monté. C'est Dieu juge non seulement Pharaon, mais juge aussi les dieux de l'Égypte. Il juge l'idolâtrie des pharaons. L'un des objectifs du récit des plaies, c'est d'accréditer la force de l'Éternel et de démontrer l'impuissance, la vanité des dieux de l'Égypte. Et le déroulement chronologique des plaies, ça démontre que l'Éternel peut tout et qu'il a le pouvoir sur tout. Et on le voit, il y a toute une séquence de dieux qui sont attaqués bien précisément selon leur spécialité. Hein? Par exemple, la mort du bétail, c'est le taureau Apis qui représente la fertilité, la virilité et la force physique qui est directement ciblée. Comme Apis n'intervient pas, ça veut dire que Apis n'existe pas. Le lion Sekhmet est sans... En fait, c'est la lionne, c'est une femme. Elle est censée être de représenter l'invincibilité. Osiris Apis, c'est le mythe de la guérison, de la résurrection. En passant, on se moque un peu aussi de Sekhmet, qui symbolise les vents du désert et la brise fraîche, hein, au moment où on jette de la poussière en l'air qui se transforme en ulcère. Il y a comme une espèce d'ironie ici. Imhotep, c'est un haut fonctionnaire de la cour d'Égypte, un des fondateurs, des personnages importants de l'ancien empire qui a été divinisé. C'est un médecin, il représente la sagesse et la guérison et la médecine. Lui aussi est impuissant. Impuissant en tout cas pour guérir les ulcères. Quant à la grêle qui tombe, bien, c'est encore d'autres dieux qui sont visés ici. Encore une fois, ils n'y peuvent rien. Sont censés protéger les êtres humains et ils n'interviennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont aussi actifs que les balles. Donc, c'est ça. Les plaies accréditent l'impuissance des dieux de l'Égypte tout en montrant à la face de tous la puissance de l'Éternel. Parce que personne ne s'y trompe. C'est Moïse, bien sûr, qui annonce les fléaux. Dans le cas ici, c'est l'Éternel qui agit directement. Mais personne ne s'y trompe. Tout le monde sait que c'est l'Éternel qui agit ici. On se souvient, dans le cas des grenouilles, Dieu va opérer une multiplication subite et massive des bactraciens, hein, des grenouilles. Tout le pays va être envahi. Leur apparition est miraculeuse, mais leur disparition aussi est miraculeuse. Parce que Dieu va les faire périr de telle sorte que c'est indéniable que c'est lui qui est intervenu ici. Et le carnage des grenouilles, c'est pas le résultat d'une quelconque épizootie ou d'un phénomène naturel. Ça, on se plaît souvent à l'expliquer de cette manière-là aujourd'hui. Mais il n'y a pas de phénomène naturel derrière les plaies. C'est une intervention divine. Aussi, par les plaies, Dieu se manifeste comme étant l'Éternel. Afin que son nom, l'Éternel, son nom personnel, là, il soit publié, connu par toute la terre. Au verset 16, là, « Afin que les hommes sachent que la terre appartient à l'Éternel. » Au verset 30, il y a une autre association qui est intéressante. L'expression « Yahvé Elohim », « Éternel Dieu ». Les deux sont collés côte à côte. Parce que pour Pharaon, ça identifie l'Éternel et Dieu, afin que le roi d'Égypte n'ait aucun doute sur la personne à qui il a affaire. C'est qui opère les prodiges? C'est l'Éternel Dieu. C'est pas juste Dieu, un quelconque Dieu inconnu. Non, c'est l'Éternel Dieu qui opère ces prodiges-là. Donc, je l'ai mentionné, chacun des jugements s'attaque à un aspect de la vie religieuse de l'Égypte. Et la série des plaies va culminer avec la mort du dieu héritier, l'héritier du pharaon d'Égypte, qui lui-même est un dieu personnifié. Comme Dieu va le déclarer dans Exode 12:12, il exerce des jugements contre tous les dieux de l'Égypte parce qu'il est l'Éternel. Et les dieux de l'Égypte sont frappés en tant que symbole. Ces dieux-là sont rien par eux-mêmes. Ils n'existent pas. Ce sont des idoles. Par exemple, la deuxième plaie Celle des grenouilles, là. C'est la déesse Ikit que les Égyptiens vénèrent depuis 3000 ans, quasiment, depuis la 5e dynastie. Donc, c'est comme une divinité protectrice. C'est une divinité à tête de grenouille, en passant. Et voilà que les grenouilles deviennent subitement des nuisibles. Comment une divinité protectrice pourrait se transformer en divinité nuisible? Sinon qu'elle est fausse. Donc, les dieux de l'Égypte sont abattus un par un, afin qu'il y en a des milliers de dieux dans le panthéon d'Égypte. C'est quelques dieux qui sont ciblés ici, mais je pense que le portrait général est que si les principaux ne peuvent rien, que peuvent les dieux mineurs? Donc, les dieux d'Égypte sont abattus, afin que tous, pas juste les Hébreux, hein, les Égyptiens aussi, reconnaissent que personne n'est semblable à l'Éternel, personne n'est comparable à lui. Il n'y a que l'Éternel Dieu. J'associe les deux parce que le texte insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui soit le maître de la création. C'est lui qui est le maître de la terre, c'est lui qui est le maître des cieux. C'est le Créateur, c'est le Dieu unique. Et c'est le seul à être vivant, et bien sûr, il est saint. Donc, il s'élève au-dessus des dieux inexistants. Il y a une autre chose qui est importante dans le texte qu'on remarque, et dans les autres plaies aussi, c'est pas seulement les dieux de l'Égypte qui sont attaqués aussi, c'est la crédibilité du souverain. En Égypte, le pharaon représente l'équilibre. C'est aussi un personnage qui protège son peuple, qui est censé assurer l'équilibre afin de garantir la prospérité de son peuple. Et ça aussi, c'est abattu. Un chef qui est incapable de protéger ses sujets, en quoi est-il crédible? Un autre point qui est intéressant, c'est la défaite des magiciens. En passant, la sixième plaie voit la dernière apparition des magiciens. Après ça, ils disparaissent, on n'en entend plus parler. Ils étaient très actifs au début. Donc, le Dieu d'Israël va démontrer la vanité des idoles, mais il va aussi triompher sur les puissances des ténèbres, celles qui sont représentées par les magiciens. Les magiciens sont à l'emploi de Pharaon. Au début, dès les premières plaies, les magiciens vont opérer des prodiges semblables à ceux d'Aaron et Moïse. Hein? Les serpents, les magiciens sont capables de faire la même chose, le Nil encens, la même chose. Ils sont capables de faire venir des grenouilles aussi, mais ils ne sont pas capables de les faire disparaître. Ils sont tellement incapables d'arrêter le fléau que le Pharaon, durant la plaie des grenouilles, doit s'adresser à Moïse pour faire cesser, pour que les grenouilles disparaissent. Bon, à quel point c'est des tours de passe-passe, tout ça, je l'ignore. Mais je pense que la magie a une réalité quelconque, surtout dans les textes bibliques, parce qu'ils sont accomplis souvent par la puissance du diable. Et ça, c'est une puissance qui est réelle. Si tu crois en Dieu, tu crois en diable aussi. Pour les magiciens, la situation, on l'a vu, va changer à partir de la troisième plaie. Ils vont perdre comme le contrôle à cette étape-là. Souvenez-vous de ce qu'ils disent, par exemple, en Exode 8:15. Alors, les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. On est impuissant ici. » Autrement dit, c'est Dieu qui a réalisé ça. C'est pas les magiciens. Jésus va employer d'ailleurs cette expression-là dans Luc 11:20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. » Ça fait directement référence à cette plaie d'Égypte. Donc, à partir de la troisième plaie, les magiciens vont admettre leur impuissance. Et vont admettre aussi, forcément, la suprématie du doigt de Dieu sur leur propre magie. On va sauter à la sixième plaie, les magiciens réapparaissent. Mais cette fois-ci, ils sont complètement passifs. Ils sont tellement complètement passifs qu'ils ne peuvent même pas paraître devant Pharaon, parce qu'eux-mêmes sont affligés par les ulcères, incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne sont même pas capables de soigner eux-mêmes. Donc, ils sont totalement impuissants, et à partir de là, ils vont disparaître définitivement du récit. Ils ne sont plus mentionnés par la suite. On va en venir maintenant à l'attitude de Pharaon. Je fais un petit bilan ici des plaies que je vous présente, mais rapidement, on va passer à Pharaon. Souvenez-vous, tout ça avait été prédit. A été prédit dans Exode 3 et a été prédit dans la Genèse. A été rappelé dans Exode 7, Exode 8. Qu'est-ce qui est rappelé? La résistance de Pharaon. Le cœur de Pharaon refuse d'admettre que Dieu est l'Éternel. Première chose. Il refuse de laisser sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et il refuse aussi de montrer du repentir. Lui-même s'accroche à l'idolâtrie, même si, de toute évidence, les dieux de l'Égypte ont été violemment discrédités par l'action de l'Éternel. Il voit de grands miracles s'accomplir sous ses yeux. Il en a vu directement, il a vu les phénomènes qui se passent tout autour de lui. Il a eu le témoignage de Moïse, il a eu les avertissements de Moïse. Mais il s'enferme dans son obstination. Il s'enferme dans sa négation que tout ça vient de Dieu. Il refuse la vérité tout court. La position de Pharaon ne va pas être statique. Il va évoluer, mais il va évoluer vers le pire. Pour son plus grand malheur, d'ailleurs, parce que c'est la destruction qui attend Pharaon. Il est intéressant aussi de constater que si le Pharaon demande l'aide de Moïse et d'Aaron pour être délivré à plusieurs reprises, on le voit avec les grenouilles, mais on le voit aussi plus tard avec la grêle, il dit « Prie ton Dieu pour moi ». On remarque par contre que dans d'autres plaies, il reste complètement impassible, indifférent à ce que Dieu réalise. Bon, il est toujours aussi boqué, il est toujours dans son... dans sa position de refus. Il est tellement boqué qu'il n'écoute même pas ses propres magiciens qui l'avertissent au sujet du doigt de Dieu à propos des grenouilles. Plus loin, durant la septième plaie, il y a comme une ébauche de repentir de la part de Pharaon. Il va dire « Moi et mon peuple, nous sommes coupables. » Il admet même avoir péché. On le voit au verset 27. Et encore une fois, il va demander à Moïse de prier pour la délivrance. Il va faire une autre promesse, une énième promesse de laisser, si vous me délivrez, je vais laisser aller les enfants d'Israël, si la grêle cesse. Mais comme pour les fois précédentes, il revient sur sa parole. Donc c'est une trahison et c'est aussi un mensonge en passant. Donc cette ébauche de repentance va n'être qu'une ébauche, elle va rester à ce stade-là. Parce qu'une repentance qui est suivie d'aucune action, ça ne vaut rien. Donc, une fois que la grêle est interrompue et que le calme est revenu en apparence, c'est le cœur endurci du roi qui reprend le dessus. Et retenez bien ce mot. L'endurcissement du cœur de Pharaon, c'est vraiment capital. C'est le point principal, je dirais, du récit des plaies. Donc, sa promesse, à cause de son endurcissement, sa promesse va vite être oubliée. Et bien sûr, il a beau avoir vu Dieu à l'œuvre en tant qu'exécuteur des fléaux, parce que là, dans les plaies 5, 6, 7, c'est Dieu lui-même qui agit. C'est pas par l'intermédiaire d'Aaron ou de Moïse. Mais malgré le fait qu'il a vu Dieu à l'œuvre, il a toujours le même regard, il a toujours la même attitude. Pour lui, Dieu n'est qu'un Dieu parmi les autres, certes avec une puissance redoutable, mais ça reste un Dieu comme d'autres dieux. Et la suite des événements va montrer quelle est l'attitude de Pharaon. Jamais il va être prêt d'admettre que l'Éternel est Dieu, qui est unique, qui est incomparable, qui est tout-puissant. Et il va persister dans son péché jusqu'à la fin. Malgré une certaine valse d'hésitation, on va le voir à la dixième plaie où il va chasser les enfants d'Israël, mais il va vite se réviser et partir à leur poursuite. Restons-en là, je n'irai pas plus loin dans le récit. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu? Son orgueil et son endurcissement. Cette attitude-là vient d'une posture du cœur. Le cœur revient fréquemment dans les plaies. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Je vais t'attaquer au cœur, même les questions de plaies directement au cœur de Pharaon. Donc, le pharaon est aveuglé. Et il s'obstine à rester dans les mensonges de la religion de son pays, l'Égypte. Et ce faisant, il résiste à l'appel de la vérité. Et cet appel-là lui est répété de multiples manières, par des mots, mais par des actions, par des prodiges également. Il lui est rappelé aussi par la délivrance miraculeuse à quelques reprises qui intervient. Parce qu'il y a 10 plaies. Et avant la 10e, il y a eu 9 délivrances. Oui, il y a eu des fléaux, mais ces fléaux-là ont cessé par l'intervention de Dieu. Ce qu'on remarque dans les premières plaies, c'est que c'est son cœur qui s'endurcit. Le pharaon endurcit lui-même son cœur par son péché. Mais à compter de la 6e, on remarque un propos différent. C'est Dieu, l'Éternel, qui endurcit le cœur de Pharaon. Ça, c'est à compter de la 6e plaie, celle des ulcères. Je vais y revenir sur ce point-là. Au final, là, la résistance de Pharaon, c'est paradoxal, mais elle sert le plan de Dieu. Pharaon est l'instrument de Dieu, non pas de façon volontaire, c'est bien malgré lui, mais finalement, à cause de sa résistance, Dieu va pouvoir manifester sa gloire. Et les plaies qu'envoie Dieu, qu'envoie l'Éternel sur l'Égypte, c'est la réponse appropriée au péché de Pharaon. Et son orgueil va trouver son châtiment dans des phénomènes prodigieux qui vont rendre le nom de l'Éternel célèbre dans tout le monde connu d'alors. Je vous cite le récit de Rahab et la chute de Jéricho, qui est relaté dans Josué, bien des décennies plus tard. On voit que la crainte de Dieu précédait l'arrivée des Israélites à cause de ce qui s'était passé en Égypte, à cause des plaies d'Égypte. Cette réputation de Dieu était bien établie. Donc, le pharaon est orgueilleux et il est présomptueux. Et dans tout ça, il ignore que son opposition à Dieu le destina à être l'agent de la gloire de Dieu, l'agent de son ennemi. Donc, bien malgré lui. C'est misérable d'être comme ça, avouez-le. On haït quelqu'un, mais au final, on lui rend service. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Dieu, c'est pas n'importe qui. Et Dieu est souverain, il mène ses desseins en toute liberté et en toute autorité. Et ça, on le voit dans Romains 9, 17, qui fait référence directement au verset 16 de Exode 9. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein, volontairement, pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, on parle de Dieu, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc, qui es-tu, toi, créature, pour contester avec Dieu? C'est bien clair, là. Celui qui conteste avec Dieu manifeste de l'orgueil. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Parce que, en contestant avec Dieu, il est bercé de l'illusion de pouvoir triompher de la volonté divine. C'est de l'orgueil, ça. Et c'est inutile. Parce que la créature ne peut d'aucune façon, triompher de son Créateur. L'incrédulité aussi, c'est une forme d'orgueil. C'est une manifestation de l'orgueil, parce que celui qui nie la toute-puissance de Dieu, ben sur quoi il se reporte? Il reporte son opinion qui est exagérément fausse, à propos de sa propre valeur, à propos du pouvoir imaginaire qu'il croit détenir, à propos de la maîtrise imaginaire des événements qu'il croit détenir également. Et c'est malheureux parce que celui qui s'oppose à Dieu court après la destruction. Nul ne peut s'opposer à Dieu en s'opposant à lui. Nul ne peut triompher en s'opposant à Dieu. Et ce n'est qu'à la dixième plaie que Pharaon, par la force, va finir par céder. Mais ça n'a pas changé son cœur. Il cède parce qu'il y a plus fort que lui. Comme un enfant qu'on oblige à aller se brosser les dents, là. Okay, tu le conduis à la salle de bain, tu lui tends la brosse à dents, tu mets le dentifrice, tu lui plonges la brosse à dents dans la bouche. Ça ne veut pas dire que l'enfant il a le goût de se laver les dents, de se brosser les dents. N'est-ce pas? C'est un peu comme ça avec le pharaon. Donc, son cœur va rester durablement endurci contre Dieu, contre Israël, et ça va lui coûter un ultime désastre. La onzième plaie, on peut l'appeler comme ça, l'armée égyptienne qui est au fond de la mer Rouge, c'est un ultime désastre. Et décidément, son orgueil va lui avoir coûté très cher à lui-même, bien sûr, mais aussi à son pays. En cela, sa crédibilité, elle en prend un coup. J'en reviens à ce que j'ai ébauché tout à l'heure. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? C'est un point qui est controversé, hein? Mais qu'on ne s'y trompe pas. Dieu ne tente personne. Dieu n'induit personne au mal. Il n'infléchit personne vers le péché. Jacques 1,13 nous le dit clairement, « Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et dans le cas de Pharaon, c'est son orgueil qui l'amorce. Et quand Dieu endurcit le cœur des hommes, Pharaon, c'est pas le seul dans la Bible d'avoir été endurci en passant. Donc, quand Dieu endurcit le cœur des hommes, c'est toujours à cause de leurs péchés qui ont été commis au préalable, avant ça. Et c'est Pharaon tout seul, comme une grande personne, qui a commencé à endurcir son cœur, lui-même, comme une grande personne, sans l'aide de quiconque, sinon du diable. Et malgré de multiples avertissements, il a persisté dans cette voie-là. Il n'y a pas eu un seul avertissement à Pharaon, pauvre petit Pharaon, qu'il ne savait pas là, ce qu'il faisait, non. Il t'a averti plusieurs fois. Il a persisté dans son péché. Il y a eu bien des occasions de s'humilier et de se repentir. Il a vu différentes plaies, il a vu de multiples délivrances. Malgré tout ça, il est resté implacable. Il a répondu à chaque fois par son propre endurcissement. Ensuite, les plaies sont devenues de plus en plus dures, de plus en plus désastreuses. Et ça, ça l'a rendu proprement implacable. On dirait que ça l'a enragé encore plus. Il est devenu implacable et Dieu l'a abandonné dans cet enfermement mental. Et c'est à cette réalité-là ici que le texte fait référence quand on parle de que l'Éternel a endurci Pharaon. C'est un peu comme si Pharaon a rejeté Dieu et ses témoins, mais Dieu l'a rejeté en retour. C'est ça qu'on veut dire ici, par Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc, l'endurcissement vient de la succession des plaies, mais il vient aussi du cœur de Pharaon, évidemment, qui est tout entier dévoré par son orgueil et qui est dominé par l'adversaire. On s'entend, celui qui domine le cœur de Pharaon, c'est le diable, il est bien réel. Et Dieu l'a laissé dans cet état-là. Pourquoi? Parce que son plan aussi, à Dieu, c'était de faire sortir les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour que les enfants d'Israël deviennent son peuple, pour qu'ils puissent faire alliance avec eux. Et c'est important, cette alliance-là, parce que de cette alliance-là, un jour, va venir le Messie, le sauveur de l'humanité. Donc, le plan de Dieu est bien construit. Et Pharaon en faisait partie bien malgré lui. Mais au-delà de toutes ces considérations-là, on rentre dans un mystère. Okay? Ça, je le dis sans embâge. On est dans le mystère de l'autorité de la toute-puissance de Dieu. C'est dur à réconcilier pour nous qu'un Dieu comme notre Dieu soit totalement souverain, qu'il ait toute autorité de faire ce qu'il veut et de faire grâce à qui il veut et d'endurcir qui il veut, finalement. Il avance ses plans comme il veut parce qu'il a tout prévu d'avance. Jésus-Christ, il n'est pas venu sur terre pour sauver tout le monde. Il est venu sur terre pour sauver ses élus, ceux qui l'avaient choisi d'avance. Par contre, le salut est offert à toute l'humanité. L'appel au salut est offert à tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Je suis désolé. On peut poser les questions suivantes. Pourquoi Dieu s'est-il choisi un peuple au lieu de tous les peuples? Pourquoi il a juste choisi Israël? Pourquoi Dieu s'est réservé l'Église? Pourquoi il s'est réservé la descendance de Christ au lieu de prendre tous les êtres humains? Bon, je l'ai dit, toutes ces questions-là concernent la souveraineté de Dieu. Ça concerne sa volonté d'agir, ça concerne son plan. Mais on sait que tout ça est fait pour le bien de ses enfants, nous, ses élus. On était des enfants rebelles autrefois, on ne méritait absolument pas ce qui nous est arrivé, la grâce qui nous a été faite. Puis quant aux questions que j'ai posées, bien ça, on les laisse à Dieu. On n'a pas les réponses pour le moment, puis la foi, là, c'est de croire. C'est croire Dieu sur la base de ses promesses, de ses paroles. Même si on n'a pas les explications. J'achève. Alors là, je n'ai pas l'heure. Qu'est-ce qu'on retient de l'exemple laissé par Pharaon? Bien sûr, que du mal, Que des malheurs pour ceux qui résistent à Dieu. Que du malheur pour ceux qui rejettent l'appel à cause de l'orgueil de leur cœur. Ésaïe 2:12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Car Dieu se plaît à élever les humbles et à abaisser les orgueilleux. Et ça, c'est dit à plus maintes et maintes reprises. Et on l'a vu, Pharaon est orgueilleux. Son orgueil, c'est le départ de son incrédulité. Il refuse de s'humilier devant la puissance, devant les multiples manifestations qu'il a reçues par les paroles de Moïse, par les prodiges, et qu'il a pu lui-même observer. Dans toute l'histoire biblique, y compris aujourd'hui, Dieu manifeste sa souveraineté absolue sur les hommes. Sur les hommes, les femmes, les animaux, la création en entier, l'univers au complet. Et ce qu'on a vu dans les plaies d'Égypte, ce n'est qu'une infime manifestation de cette totale puissance de Dieu sur les éléments, et sur l'histoire, et sur le temps, surtout finalement. C'est quand même extraordinaire les signes qui nous sont décrits là, dans les plaies d'Égypte. On a là toute une série d'événements qui nous montrent un peu ce que Dieu est capable. On a eu quelques orages cette semaine. Avez-vous observé le ciel un peu? Bon, on a pu voir Dieu à l'œuvre, mais Dieu n'est pas juste à l'œuvre durant les orages. Dieu est à l'œuvre à chaque minute qu'on vit. Mais c'est spectaculaire. Ça nous montre ce dont quoi Dieu est capable. Puis cette grandeur-là de Dieu n'est pas destinée qu'aux Hébreux et aux Égyptiens, dans un temps précis, là, non. Nous aussi, on en est témoins. Notre principal témoignage à propos de Dieu, c'est ceci, c'est la Bible. Mais on a aussi le témoignage de la nature. Et devant ce témoignage-là, certains vont se lever comme Moïse pour honorer Dieu. Les autres vont le rejeter comme Pharaon pour le déshonorer. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, et il fait grâce à ceux qui s'humilient devant lui et qui reçoivent son appel. Et l'appel de la vérité, de tout temps, de tout âge, il s'adresse à tous. Et cet appel est renouvelé sans cesse. Dieu est miséricordieux. S'il n'était pas miséricordieux, il n'aurait pas envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Rien ne l'obligeait à faire ça, et pourtant, par pure grâce, par pure volonté de sa part, il l'a fait. Et un autre signe de sa clémence, on ne le remarque pas souvent, mais c'est qu'il nous laisse savoir quelle est sa volonté. Il nous la laisse savoir là-dedans, mais il nous la laisse savoir aussi à travers son Église, à travers son esprit. On connaît la volonté de Dieu. Pas besoin de fouiller trop longtemps pour la connaître. Et les appels de Dieu sont répétés de sorte que personne ne peut plaider l'innocence devant lui. Personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul juste. Tous sont coupables. Job 9, 2 à 4. Comment l'homme serait-il juste avec Dieu? S'il voulait lui chercher querelle, il ne lui répondrait pas même une fois sur mille. Sage ou puissant, qui lui résisterait impunément? Bon, pour les incroyants, l'appel de la vérité il est simple. Hein? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et heureux celui qui répond à cet appel par la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Pour lui, tout est réglé. Il est passé de la mort à la vie. Mais pour celui qui résiste à cet appel-là, ben, celui qui ne croit pas au sacrifice de Jésus-Christ, qui refuse le salut, c'est la condamnation éternelle qui l'attend. L'appel de la vérité, c'est autant la promesse du salut pour celui qui croit que la promesse de la condamnation et de l'enfer pour celui qui ne croit pas. Mais je l'ai dit tout à l'heure, cet appel est renouvelé par la grâce de Dieu en toute l'humanité jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à qu'il paraisse en gloire. À ce moment-là, il va être trop tard, ça ne sera plus le temps de la foi. On vit clairement dans les temps de la fin. De toute façon, plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la fin. Hein? C'est logique. On vit dans un siècle de grands bouleversements. Ça non plus, il ne faut pas être fin observateur pour s'en apercevoir. Et on peut constater assez facilement que l'humanité a rejeté Dieu. Juste à voir le nombre de personnes qui sont assises dans cette salle ce matin peut nous laisser croire qu'on n'est pas tellement nombreux à croire en Jésus-Christ. Donc, on est entouré de tous ces insensés qui disent dans leur cœur, « Il n'y a point de Dieu. » On est entouré de moqueurs pleins de railleries, comme dans 2 Pierre 3, qui attaquent la vérité et qui nous font douter de son existence. Hein, qui disent sans cesse, mais où est la promesse de son avènement? Car tout demeure comme avant. Donc, Dieu est comme invisible. Puis, on n'a pas de preuve qu'il existe, donc ça veut dire qu'il ne viendra jamais. Donc, il n'y a personne là-haut. Donc, ces gens-là, manifestement, ne croient pas au jugement, mais ils se fourvoient. Ils sont aussi incrédules que le pharaon de l'Exode, finalement, et leurs paroles sont tout autant remplies d'orgueil que celles du pharaon. On peut comparer aussi l'attitude de nos contemporains à celle de Judas. Judas qui a été témoin de Jésus-Christ, qui a été témoin de ses signes et de ses miracles, et qui pourtant l'a trahi. Mais ce n'est pas la trahison le péché le plus grave de Judas, c'est qu'il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas cru Jésus-Christ sur le fait qu'il pouvait être acheté, malgré ce qu'il avait fait. Donc, tant que Jésus-Christ ne sera pas revenu en gloire lors du jour du jugement, bien, il n'est pas trop tard pour croire en lui. Parce que le Seigneur veut que tous soient sauvés, même si dans les faits, tous ne seront pas sauvés. Et les croyants, eux, dans tout ça, quel est l'exemple de Pharaon pour eux? C'est parce que ça nous sert aussi d'exemple à nous. Ou plutôt, ça nous sert d'avertissement. D'avertissement à ne pas nous montrer orgueilleux. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans nos relations entre nous, entre frères et sœurs. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de place pour l'orgueil lorsqu'on est appelé à la repentance également. Il n'y a pas de place pour la fierté mal placée lorsqu'il tente d'accorder son pardon ou de demander pardon. Le croyant en Jésus-Christ est sauvé. Ça, c'est une question qui est réglée. On ne perd pas son salut. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire avec Dieu et qu'on n'a plus aucun appel qui nous est adressé? Est-ce que ça veut dire qu'on a cessé de pécher également? Donc, lorsqu'on pêche, là, ne faisons pas comme Pharaon. Ne suivons pas la voie de l'entêtement. Ne suivons pas la voie de la fierté mal placée. Les croyants aussi peuvent chuter en passant. Bon, ils ne sont absolument pas à l'abri de mauvaises décisions qui sont dictées par l'amour-propre, l'endurcissement de leur cœur, des décisions qui vont souvent les éloigner de l'Église et qui vont les conduire trop souvent à vivre isolés dans la misère spirituelle. Il y en a des tonnes de croyants qui vivent une situation comme celle-là. Ils sont sauvés, mais leur vie spirituelle est misérable. Tout ça, loin du fruit de l'esprit. On peut méditer sur ce qui est arrivé à Ananias et Saphira dans les Actes. Souvenez-vous, par orgueil, ils ont dissimulé quelque chose à l'Église, ils ont été frappés pour leur propre perte. On peut se rappeler aussi les croyants de l'Église de Corinthe qui manquaient d'humilité devant les œuvres de Dieu, 2 Corinthiens 13. Dieu se révèle aussi à nous, à travers nos frères et les frères et sœurs de l'Église. Il se révèle dans notre vie personnelle. Il nous adresse des avertissements à nous aussi. Il nous adresse des encouragements, des exhortations. Et il faut se souvenir qu'il y a un adversaire qui rôde, qui souffle sur les moindres braises d'orgueil et de susceptibilité. Pourquoi? Parce que le diable aime beaucoup créer des divisions dans l'Église. C'est son plan de bataille. Et souvent, ce qui cause des divisions, c'est la vanité derrière les luttes de pouvoir. La vanité qui empêche de demander pardon. C'est encore l'orgueil qui pousse les croyants vers des fausses doctrines ou vers la recherche de la justice des hommes, la fameuse justice sociale qu'on cherche à établir sur terre, alors que Dieu a clairement dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ce n'est pas à vous d'établir la justice sociale sur cette terre. Donc, je regrette, Martin Luther King, vous vous êtes trompé. Il suffit juste de se rappeler quelques instants d'où on vient. Quelles sont nos origines en tant qu'enfants de Dieu? Si l'égalité de conditions existe bien, si l'égalité de conditions peut trouver une application quelque part sur cette terre-là, c'est bien dans l'Église. C'est bien dans l'Église qu'il faut la rechercher. On est tous égaux devant Jésus-Christ parce qu'on était tous des condamnés à mort à qui on a fait une grâce. Donc, juste à cause de ça, n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Je ne vaux pas mieux que quiconque et personne n'est supérieur à moi par son mérite. Parce qu'il y a seulement Jésus-Christ qui mérite notre admiration. Le reste, c'est juste de l'humain. Ce n'est pas les hommes qui méritent la reconnaissance. La reconnaissance doit aller à Dieu seul. Donc, l'humilité, c'est obéir aux préceptes de Dieu. Avec quoi? Avec une foi sincère, sur la base des paroles que Dieu a dites. Et c'est notre cœur, c'est notre foi que Dieu veut. C'est notre obéissance. C'est reconnaître sa parole comme bonne, juste et suffisante pour tous. Dieu veut que les siens l'honorent de tout leur cœur. Il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, riche en bonté. Dieu élève qui il veut. Il va élever l'humble, il va abaisser l'orgueilleux. Les orgueilleux, Dieu s'en sert pour glorifier son nom en les abaissant. Donc, c'est en ça que le récit de l'Exode devrait être utile pour nous. En tant qu'exemple pour la postérité. Bonne semaine.